On va parler de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, écoute, les Saguenayens l'année prochaine vont avoir 50 ans et Serge Gémond, tu as collaboré beaucoup, semble-t-il, au livre de Serge Gémond qui va sortir. J'ai eu une ébauche, ça va être. J'ai eu les 50 premières pages, Marc, puis je vais te dire une affaire, ça va être une bombe. Les gens vont Ah oui. capoter. Ah oui, ah oui, OK. Ben oui, je sais que Serge m'avait appelé pour, dans le fond, parler de mes années à moi, là, mais je suis sûr que Serge est très, très bon. C'était tout un journaliste. Moi, à mes années avec les Sags et même plus, Serge était probablement le journaliste sportif le plus respecté au Saguenay. Et puis, je suis sûr qu'il a monté un bon livre, ça, je suis pas inquiet. Non, c'est. Vous allez voir là, les partisans des Sags, là, ça va être incroyable. Je vais te dire une affaire, là, les gens qui l'ont vu, le livre de Michel Simard, pour le hockey régional, là, je pense que c'est encore meilleur. Marc, avant de parler du Canadien, hier, ton chum Philippe Boucher t'arrive et parlait quelque chose de 91-9. Au début, je trouvais ça farfelu, mais à la fin, je regarde ça, puis c'est pas si farfelu que ça. Lui, il a dit que Patrice Bergeron, si t'enlèves Bobby Orr, c'est le meilleur joueur de l'histoire des Bruins. D'accord ou pas d'accord? Ouais, tu vas te dire que c'est sûr que là, t'as Ray Bourque, t'as Phil Esposito, mais il fait partie des discussions pour le top 5, là, d'après moi, là. Ben là, tu viens de le dire, il est pas mal dans le top 5 là, avec celle que tu as nommée. Mais sais-tu quoi là-dedans, Danny? Il n'y a pas de. Tu sais, on l'a déjà dit, hein, quand on fait une comparaison, Gretzky le mieux, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, moi, je Non, c'est pense. ça. Puis, Moi, j'aime ça. C'est des sujets comme ça qu'on parle les années. Puis, tu comprends les oui, meilleurs. Puis, mais c'est sûr que si tu regardes, là, qu'est-ce que Bergeron a apporté aux Bruins depuis qu'il est là? Les championnats qui sont gagnés la Coupe Stanley. Tu sais, Raymond Bourque, là, c'était tout un joueur, puis on dénigrera jamais ça. Mais sa Coupe Stanley, il l'a quand même gagné au Colorado. Tu sais, il n'avait pas réussi à gagner la Coupe Stanley avec Boston. Mais tu sais, tu parles de Bobby Orr, tu parles de Raymond Bourque, de Patrice Bergeron, Phil Esposito. Tu sais, c'est probablement les quatre meilleurs de l'histoire. Mais tu sais, il y en a eu tellement d'autres. Cam Neely. Alors. Mais Cam Neely était Monsieur Bruins pendant longtemps parce qu'il représentait l'image des Bruins, les Big Bad Bruins. C'était des Cam Neely, des Terry O'Reilly, des Stan Jonathan pour les plus vieux. Alors, c'est des gars qui représentaient bien l'image des Bruins. Mais en tout cas, il fait partie certainement là, du top 5, ben, du top 10, c'est sûr. Top 5, c'est discutable, mais c'est pas si farfelu que ça. C'est sûr qu'il faut s'entendre Bobby Orr, apparemment, mais on dit que Bobby Orr est le meilleur défenseur. Je l'ai pas connu, là, mais on dit que Bobby Orr, c'est le meilleur défenseur de l'histoire de la Ligue nationale. Là. Fait qu'il faut le mettre premier. Là. Oh, mais Bergeron, non, je pense qu'il faut s'entendre top 5 facile, là. T'sais, t'sais, même on pense top 3, mais t'sais, mais c'est comme on dit, c'est personnel, c'est une autre époque. Mais c'est probablement C'est pour ça que les. c'est probablement le profil de joueur de hockey que tu recherches le plus de tous les joueurs de la Ligue nationale. Patrice Bergeron, là. Il a tout. Moi, il me fait penser dans les années de Marc Messier avec Edmonton. Marc Messier n'était pas seulement un bon joueur, mais c'est un joueur fiable défensivement. C'est un joueur qui pouvait jouer physique, qui avait un bon coup de patin, une bonne tête d'hockey. Il représentait le modèle parfait du joueur d'hockey. Je trouve que des années 2000, c'est Patrice Bergeron qui représente ça. Non, regarde, c'est. Canadien a préféré Corey Hunkwart à la place de Patrice Bergeron. Puis, mais tu sais, quand on dit qu'il y avait des rumeurs, les journalistes, ça prend pas grand-chose sans s'emporter, là. Puisque Ken Hughes a été l'agent de Patrice Bergeron, les journalistes cherchaient du papier à faire, parce qu'on a une année tellement plate, mais tu sais. Il mettait Patrice Bergeron peut-être avec le Canadien puisqu'il va être joueur autonome sans compensation. Lui, il a coupé les discussions assez raides, hein? Il a dit, moi, je veux terminer ma carrière à Boston. Ben oui, puis je pense que c'est normal. Moi, tu sais, puis Boston aussi, ils ont tout intérêt à garder un gars comme Patrice Bergeron. À moins que Patrice aimerait les Un voir, peu comme comme Raymond Raymond Bourque, Bourque, là. puis qu'il dirait, regardez, j'aimerais ça aller finir avec une équipe gagnante. Mais tu sais quoi? Patrice, là, c'est le gars, je sais pas si tu sais, mais d'après moi, là, il doit être un des seuls qui a gagné pratiquement tous les trophées, là. Tu sais, le championnat du monde, Coupe les Memorial. Olympiques, la Coupe. peut-être pas, je sais pas, la Coupe Memorial, je suis pas sûr. Ouais, ouais. Mais tous les trophées là, de la Ligue nationale là, que tu peux gagner, là, tu sais, la Coupe Stanley, puis tout, alors, c'est un gagnant. C'est un gagnant. Ouais. Bon, on va parler de nos Canadiens. Hey, être dans le beat du Canadien, là, sérieux, là. En plus de pas avoir une année de merde, là, c'est plus merde que ça, tu meurs, là. Pas de spectateur dans les gradins. Ça... T'as vu une image hier, Alain Crête, je sais pas si tu l'as vu passer les médias sociaux, Alain Crête qui a dormi. Tu sais, ça doit être. Il reste 37 matchs. Écoute, Danny. Ça doit être infernal. Marc, t'étais dans les années de 31 points. T'étais là dans cette année-là, je pense. Oui. Mais tu sais, moi, je sympathise, Danny, parce que j'ai vécu ces moments-là. Oh, ouais. Et je sais comment que c'est pas facile pour le moral. Tu sais, tu dois trouver des petites victoires personnelles à aller chercher à tous les matchs parce que collectivement, ça ne fonctionne absolument pas. Alors, tu sais, le hockey, oui, c'est vrai que c'est un sport d'équipe, mais d'un autre côté, il y a quand même des petites victoires personnelles qu'on doit aller chercher personnellement entre joueurs. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut qu'il focus, parce que là, c'est pas des défaites, là, c'est pas des 3-2 en prolongation. Ah, là. C'est 7-1. Puis les Devils avaient 7 défaites consécutives avant le match d'hier. Oui. Puis le manquait Hughes, le meilleur joueur qui était au match des étoiles, Hughes, qui était pas là. Ouais. C'est sûr que le Canadien aussi, là, il en manque, des moyens bons joueurs, mais c'est pour te dire que quand on dit là, que le sport, c'est mental, là, on a une belle preuve là où ce que quand tu sais ton mental là, Danny, là, c'est ça qui envoie le signal à tout ton corps. Ouais. Si tes jambes sont pas là, des fois c'est parce que ton cerveau a pas la force mentale, la capacité mentale d'envoyer le bon signal, puis ça devient ça fait boule de neige assez vite. Voilà. Écoute. Tu fais quoi, là? Moi, je pense que... Marc, je pense que pour le bien des kids, je pense à Caden Primo, je pense à Cale Caulfield, je pense à Ryan Pelling, on doit les renvoyer à Laval pour le reste de la saison, apprendre à mieux jouer, apprendre à performer, apprendre à gagner ensemble, puis faire comme les autres équipes ont fait. Ça donne rien. Puis pour Montréal, pour finir l'année, ben, tu vas chercher des joueurs, des Laurent Dauphin qui n'ont pas nécessairement d'avenir là, dans la Ligue nationale. Là. Tu vois-tu ça pareil? Non. Non? Non, je vois pas ça pareil, Danny, parce que tu peux. C'est plate à dire. Là. Mais Caden Primo, là, qui se fait défoncer tout le temps. Là. Ouais, mais Danny, c'est quoi, là? C'est un choix de 7e ronde. C'est quoi, vous attendiez qu'il soit aussi bon que Price? C'est quoi, là, l'affaire? Non, c'est sûr, mais... Bon, c'est un choix de 7e ronde. Un choix de 7e ronde, t'as pas... en tout cas, moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit le gardien numéro 1 demain matin. Et là, non, mais quoi, Danny? On disait qu'il y a le gardien de but d'avenir. Je pense que... Ben, je sais pas s'il était d'avenir. Ils l'ont pris tard en tabarouette pour avoir choisi leur gardien d'avenir. Là, d'après moi, là, ton avenir, je sais pas comment tu la voyais là, quand tu l'as choisi en 7e ronde, mais d'après moi, je pourrais je pourrais dire que le gardien des Rangers était pris en 4e ronde. Je pourrais dire que... Mais tu sais, il faut pas que tu t'attendes à ce que toutes les... Non, c'est sûr. Tu sais, à un moment donné, il y a une raison pourquoi il est sorti 7, là, peut-être. Ouais. Là, sinon, s'il avait été un gardien d'avenir puis un joueur concession, d'après moi, il sort 1, là. Fait que, tu sais, il y a toujours ça. Mais Danny, moi, je veux revenir sur le fait que c'est plate à dire, là, puis ça fait cliché, là. Mais tu peux apprendre quand même dans la défaite, puis tu peux apprendre dans l'adversité. Je sais que c'est pas facile, mais... Tu sais, Joe Sakic, là, Joe Sakic était là, dans une saison de 30 points. Oui. Bon, Owen Nolan, il était là, puis Matt Sundin, il était là, puis, tu sais, à un moment donné, tu peux quand même... Moi, je pense que si tu veux que tes joueurs progressent, je pense que les faire jouer contre des joueurs Ligue nationale, même s'ils perdent, je pense que les gars vont en prendre beaucoup quand même. Ils vont tellement détester perdre qu'ils vont vouloir gagner à tout prix parce qu'ils n'aimeront pas le goût que ça laisse de toujours perdre. Fait que moi, je pense que tu ne peux pas toutes les envoyer dans les mineurs. Là. Est-ce que Caulfield est prêt physiquement et mentalement à jouer dans la Ligue nationale? Moi, je pense que ça n'a pas rapport avec le fait qu'il gagne ou pas. même si le Canadien gagnait, moi, je pense qu'il aurait dû passer par la Ligue américaine. Parce que le gars, il a 5 pieds et 7, 5 pieds 8 maximum. Là, tout le monde le connaît maintenant. L'année passée, il est arrivé sur un high. Il jouait contre des équipes. Aussi, là. Pas pareil. Ouais, il jouait juste contre des équipes canadiennes. Ouais. Il jouait pas contre toutes les tops de la Ligue nationale. Là, ils ont appris à le connaître. Ils le gardent à l'extérieur. Ils savent qu'il lance de partout. Alors, ils se sont ajustés au gars. Alors, puis le gars, il n'est pas prêt physiquement encore. Alors, oui, gagne ou perd, moi, je pense qu'il aurait dû aller dans les mineurs. Mais là, rendu ce qui est là, tu peux pas envoyer tous les jeunes dans les mineurs l'équipe va mal. Non, non, je sais, mais... C'est parce que moi, le modèle de Tampa Bay puis le modèle de Detroit, là... Tu sais, c'est pas pour rien que c'est des grandes organisations. Ils ont monté... Detroit, je pense que c'est 200-300 matchs. Je me rappelle plus le nombre de matchs qu'il faut qu'ils jouent avant de les monter, en tout cas. Moi, c'est le modèle que j'emploierais pour les prochaines années parce que on n'aura pas le choix. Là. Le développement du Canadien là, va passer par le repêchage de développement parce que pour le moment, les joueurs autonomes, ça veut rien savoir de Montréal et avec raison. Peut-être que. Oui, mais Danny, il faut que tu regardes. Moi, là, c'est du cas par cas. Ouais. Tu vois que Détroit, là, quand il va avoir le gars qui veulent qu'il monte tout de suite, les 300 matchs, ça ne marchera plus. Là. Tu sais, c'est du cas par cas, moi, je pense. Il n'y a pas personne qui est au même niveau, qui arrive au même niveau, qui est rendu à la même place. Puis, il faut que tu évalues chaque joueur un an. En parlant des Red Wings, t'es-tu d'accord avec moi que d'ici 2 à 3 ans, tu connais un peu les Red Wings, là? Ça va être une équipe qui peut être aspirante à la Coupe Stanley. Je ne dis pas qu'ils vont gagner, mais ça va être une équipe qu'on va peut-être... Hey, Maurice Seider, là, c'est le Victor Eggman. Quel bon défenseur! Lucas Redmond, Dylan Larkin... Tu vas avoir des joueurs autonomes également. Détroit va être une belle place. Là. Les Red Wings, c'est une Original Six. Détroit, c'est quand même pas une ville. Ben, c'est sûr que l'économie, c'est pas terrible, là, mais quand même, les Red Wings, c'est une grande organisation. Moi, dire. T'es-tu d'accord avec moi que cette prédiction-là, d'ici à 2 à 3 ans, lorsqu'on va parler des équipes aspirantes de la Coupe Stanley, les Red Wings vont être là-dedans? Oui, mais tu sais quoi, Danny? Ouais. Ils ont eu leurs années de misère. Là. Ouais. Ils ont été dans les bas-fonds, les Red Wings. Là. Ils sont battus dans la loterie là, pour avoir le premier choix au repêchage. Là. Ça se fait pas automatiquement. Là, des Sider, puis des Larkin, puis en tout cas, tous ces joueurs-là qui vont chercher les bons jeunes prospects, ils font le même processus que le Canadien sont en train de faire. Là. Ce qu'ils faisaient massacrer comme le Canadien, peut-être pas. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu fasses ton reset, il faut que tu recommences à zéro. Puis moi, à mon avis, c'est ce que le Canadien doit faire. Mais là, il faut que tu fasses bien ton reset parce que Buffalo fait plusieurs années qu'ils sont dans le reset et ça ne lève pas. Edmonton. Hein? T'as raison. T'as absolument raison. C'est pour ça que c'est pas gage de succès. Là. Non. Il n'y a pas juste une équation. Il faut pas juste finir dernier puis ramasser le premier choix pour devenir une équipe gagnante. Non. Il faut que les choses se fassent bien, que comme tu dis, que le développement se fasse bien. Peut-être que tu signes des bons agents libres. Puis, tu sais quoi, Danny? Ouais. Les équipes, les bonnes équipes, là, tu sais, quand t'as dit tantôt un gardien qui est sorti en quatrième round, un autre qui est sorti. Tu sais, les Red Wings de Détroit, là, quand ils avaient leur grosse équipe, puis avec Datsu, puis avec Zetterberg, là, c'est des gars de 6-7e round, ça, ces gars-là. Là. C'est eux autres. Qui Brandon Point, tu pourrais. C'est ça, mais c'est pas juste de pogner le premier choix overall qui va faire de toi une équipe gagnante un jour. C'est qui tu vas aller chercher en deuxième round ou en troisième round qui va devenir un joueur potentiel première round parce que tu as été capable de voir qu'elle allait se développer. Puis tout ça. Alors, l'équation est bien plus grande qu'un bon choix repêchage. Le hockey olympique, ça dit quoi quand, sans les joueurs de la Ligue nationale? Tu vas-tu suivre ça? Moi, écoute, il y a des noms quand même, mais... intéressant, là. Moi, j'ai aimé qu'on amène une couple de jeunes joueurs là-dedans. Tu sais, des Arwin Power, les McTavish. J'aurais aimé ça voir peut-être un Shane Wright là-dedans. Là. Les gars, c'est... Fait que... Moi, je vais te dire, Danny, là, je trouve ça... j'ai plus d'intérêt à suivre l'équipe olympique féminine. Ah oui, OK. Parce que, tu sais, t'as la petite poulain, puis t'as une équipe qu'ils ont leur vraie équipe que... L'équipe olympique canadienne masculine, honnêtement, on va suivre ça parce que on aime le hockey, là. Ouais. Mais moi, personnellement, honnêtement, pas beaucoup d'intérêt. Marc, en terminant, je sais que tu es impliqué dans la Ligue Germaine du Québec. J'ai fait un entrevue avec Richard Letourneau un lundi pour parler de l'avenir, pas juste des SAGs, l'avenir de la Ligue. Et lui, c'est lui qui dit « Je suis positif, faut regarder en avant. » Puis, mais ce sera pas facile. Moi, je te l'ai dit, il y a des équipes que. Moi, les Sags, les Remparts, ça va passer. C'est quand même une. Ils ont saigné du nez, là, mais ils vont passer. Mais Batters, Bécomo, qui appartiennent à la ville, là, va falloir que. T'es d'accord avec moi qu'il va falloir que finalement, là, que c'est la dernière fois, puis qu'on passe un autre appel, là, puis que ça joue? Ben, écoute, c'est sûr que la pandémie va, c'est, ça va laisser des empreintes, là. Parce que Danny, avant la pandémie, là, tu sais, c'était pas 18 équipes en santé, là. Et puis c'est normal, là, tu sais, t'as des marchés qui sont différents. Et puis t'as des équipes qui, même quand ça allait bien, puis quand que le monde pouvait venir sans limite au match. Il y a des équipes qui arrivent serrées, puis des équipes qui perdaient de l'argent. C'est la réalité de toute ligue. La Ligue nationale, c'est pas tout le monde qui baigne dans les profits. Puis dans toutes les ligues, c'est comme ça. Alors, avec la pandémie en plus, est-ce que ça va avoir des séquelles? Mais c'est sûr, Danny, que ça va avoir des séquelles. Mais à quel niveau? J'espère que ça ne sera pas des séquelles qui vont faire qu'il y a des équipes qui vont Hey, en mourir. parlant de là, tu m'as ouvert une page que je voulais te faire commenter ça. Puis je suis en train de complètement d'oublier le sujet. Les Coyotes de Phoenix qui s'envolent dans une aréna de 5000 personnes. Ben, ça change rien. Ils vont avoir la même foule, Ouais, mais je dans un aréna sais, mais. différent. Hey, ça te prouve-tu une affaire comment Bettman tient Phoenix? C'est incroyable, là. C'est fou, là. Tu sais, Ben, c'est les droits normalement, de tu devrais télévision. pogner ça, envoyer ça à Houston, puis ça finit là. Houston, il y a de l'argent, il y a des propriétaires qui sont solides. Je comprends pas. Je comprends pas qu'il n'envoie pas ça à Houston. Oh, oui, mais c'est peut-être que le marché est intéressant avec les droits de télévision. Tu Ouais. sais, Bettman, là, lui, il ne veut pas perdre de valeur. Hein? La valeur de la Ligue nationale, là, Non, mettons qu'elle est à 5 milliards, lui, il ne veut pas qu'elle baisse à 4 milliards, là. non. Fait que peut-être que s'il l'envoie dans d'autres marchés où ce qu'ils vont perdre ces droits de télévision-là, c'est des pertes de revenus, puis c'est une valeur qui est moins grande. Alors, ils ne sont pas intéressés à faire ça. Mais Houston est un bon marché avec de l'argent. Fait que c'est ça que je. Oui, absolument. Fait Absolument. C'est un bon que marché. je comprends pas l'entrebac. Marc, on se reparle très très bientôt. Ça fait Salut, plaisir, Danny. Marc Fort.